Bonjour. L'économie mondiale devrait connaître cette année une récession plus grave que celle observée lors de la crise financière mondiale il y a une dizaine d'années. Selon les estimations du Fonds monétaire international qui ont été rendues publiques le mardi 14 avril, l'économie mondiale devrait connaître une forte contraction de 3% en 2020, soit un recul bien plus marqué que lors de la crise financière de 2008-2009. Sport football pour clore ce flash info. La Ligue allemande de football a repoussé au 23 avril son assemblée générale virtuelle qui doit décider d'une date et des conditions d'une éventuelle reprise des compétitions à huis clos. Pour l'instant, les deux championnats sont officiellement interrompus jusqu'au 30 avril en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.